Chapitre 3e. Thésée, une fois amené dans l'appartement royal, n'eut d'attention que pour contempler le vieux monarque, dont la barbe blanche rendait l'aspect encore plus vénérable. Il était là, assis sur un trône splendide, une couronne étincelante sur la tête et un sceptre dans la main. L'âge et les infirmités affaissaient son corps, sans cependant enlever à sa figure la noblesse et la majesté. Les yeux du jeune homme se mouillèrent de larmes, larmes de joie et de tristesse, car il souffrait en voyant son père si faible et si infirme, et en même temps, il se réjouissait à l'idée de lui apporter le soutien de sa jeunesse et de sa vigueur, de l'entourer de soins, de sollicitude et d'amour. Pour animer dans un vieillard les sources épuisées de la jeunesse, la chaleur d'un cœur filial est plus puissante que tous les liquides en ébullition dans la chaudière magique de Médée, et il tardait à Thésée de laisser éclater les sentiments affectueux qui remplissaient son cœur. Il lui fut impossible de mettre plus longtemps à l'épreuve la mémoire de son père. Il n'avait plus qu'un désir, c'était de se jeter à ses pieds. Il s'avance vers les marches du trône et essaye de prononcer un petit discours qu'il avait préparé en montant l'escalier du palais. Mais l'émotion arrête sur ses lèvres l'expression des sentiments dont son âme était de plus en plus envahie. Sa poitrine se gonfle, il reste muet et interdit, sentant qu'il n'a plus qu'à déposer entre les mains d'Égée un cœur trop plein et succombant à l'émotion. Médée, d'un seul coup d'œil, vit ce qui se passait dans l'esprit du pauvre Égée. La malice et la ruse de la magicienne n'avaient jamais été poussées si loin. Sa science fatale, je frémis en vous la racontant, lui inspira le moyen de donner une apparence criminelle à cette émotion, à ce silence si plein d'amour. « Votre Majesté voit-elle son embarras ? » souffla-t-elle à l'oreille du roi. Il a la conscience tellement troublée qu'il tremble et ne peut proférer une parole. Le misérable a respiré trop longtemps. Vite, offrez-lui la coupe. Égée avait dirigé un regard attentif sur le jeune homme au moment où celui-ci s'était approché du trône. Il trouvait dans ce fond blanc et uni, dans cette bouche gracieuse et expressive, dans ses yeux tendres et beaux, un je ne sais quoi qui semblait lui rappeler un souvenir vague, comme s'il eût existé certains rapports entre les traits de cet étranger et ceux d'un petit enfant jadis caressé sur ses genoux. Mais Médée devina encore le trouble qui se produisait dans l'esprit de son époux et ne voulut pas lui laisser le temps de céder à ce mouvement de curiosité et d'attendrissement. C'était bien la voix de la nature et du cœur qui criait à Égée « C'est ton enfant, c'est le fils d'Étra qui vient réclamer son père. » L'enchanteresse murmure de réchef quelques mots à l'oreille du roi et par son pouvoir magique fait naître dans le cœur de ce prince une impression toute contraire. Il se décida donc à faire boire à Thésée le vin empoisonné. « Jeune homme, dit-il, sois le bienvenu. Je suis fier de donner l'hospitalité à un héros tel que toi. Accepte cette coupe remplie, comme tu le vois, d'un vin délicieux. Je n'accorde cette faveur qu'à ceux que j'en juge dignes, et personne mieux que toi ne mérite un tel honneur. » En disant ces mots, le roi Égée prit la coupe d'or posée sur la table et la présenta à Thésée. Mais, soit qu'il tremblât de faiblesse, soit qu'il s'émût à l'idée de sacrifier la vie d'un inconnu, peut-être innocent, soit que, malgré la cruauté de cette action, son cœur fut meilleur que sa volonté, soit, toutes ces raisons ensemble, sa main renversa une grande partie du liquide. Afin de fortifier la résolution du monarque, et craignant que le précieux poison ne fût entièrement perdu, un de ses neveux s'approcha de lui et lui dit « Votre Majesté doute-t-elle des intentions criminelles de cet étranger ? Le glaive même qui doit vous arracher la vie brille à son côté. Ne voyez-vous pas comme cette arme est tranchante et terrible ? Ne perdez pas un instant, il faut qu'il boive sans retard, ou il va accomplir son fatal dessein. » À ces paroles, Égée n'eut plus qu'une seule pensée, celle d'infliger au coupable un juste trépas. Il se dressa sur son trône, le regard plein d'une majestueuse sévérité, et d'une main plus assurée, tendit une seconde fois la coupe à Thésée. C'est après tout un prince trop digne et trop noble pour mettre à mort un traître même avec le sourire sur les lèvres. « Prends, prends !» dit-il du ton calme et solennel avec lequel il prononçait ordinairement une sentence capitale. « Tu as bien mérité de boire un vin comme celui que contient cette coupe. » Thésée s'avança pour recevoir la coupe, mais il n'eut pas le temps de l'atteindre. Le roi Égée tressaille de nouveau à la vue du glaive à poignée d'or suspendu aux côtés du jeune homme et retira sa propre main. « Ce glaive, d'où te vient-il ? » « C'est celui de mon père, » répliqua Thésée d'une voix tremblante. « Voici ses sandales. » Ma mère, son nom est Étra, m'a raconté son histoire quand je n'étais qu'un enfant. Il y a seulement un mois que j'ai eu la force de soulever le pesant rocher. j'ai trouvé dessous ce glaive et ses sandales, et je suis venu à Athènes pour voir celui à qui je dois le jour. « Mon fils, mon fils !» s'écriai Égée en jetant la coupe, et oubliant sa faiblesse, il se précipita dans les bras de Thésée. « Oui, voilà bien les yeux d'Étra, c'est bien mon fils !» Il n'est pas besoin de dire ce que devinrent les neveux du roi. Mais quant à Médée, en voyant les affaires prendre cette tournure, elle disparut aussitôt, et se rendant à son appartement particulier, elle mit en œuvre ses enchantements sans perdre une minute. Elle ne tarda pas à entendre des sifflements à la fenêtre de sa chambre. C'étaient quatre immenses serpents attelés à un char de feu. Les ailes déployées, ils déroulaient dans les airs leurs puissants anneaux et, tordant leur longue queue au-dessus du faîte du palais, attendaient les ordres de la magicienne pour entreprendre un voyage aérien. Médée prit seulement le temps d'emmener son fils et de s'emparer des joyaux de la couronne, des ornements les plus précieux du roi, ainsi que de tout ce qui put tomber sous sa main. Puis elle s'élança dans le char, fouetta les serpents et s'éleva au-dessus de la ville. En entendant les sifflements des monstres ailés, le roi courut en chancelant à la fenêtre et criait de toutes ses forces à cette femme abominable de ne jamais revenir. Tout le peuple d'Athènes, attiré dans les rues par un spectacle aussi merveilleux, fit retentir l'air de longues acclamations de joie en la voyant disparaître. Médée, transporté de rage, domina les sifflements des reptiles par un éclat de voix où vibrait toute sa fureur, et jetant sur la multitude un regard féroce à travers les flammes de son char, elle étendit ses deux mains comme pour répandre une averse de malédiction. En exécutant ce mouvement, elle laissa choir par mégarde à peu près 500 diamants de la plus belle eau, 1000 grosses perles et 2 milliers d'émeraudes, de rubis, d'opales, de saphirs et de topazes, dérobés avant son départ dans le coffre-fort du souverain. Ce fut comme une grêle étincelante de couleurs variées qui s'abattit sur la tête des spectateurs. Les grandes personnes et les enfants s'empressèrent à l'envie de recueillir ces trésors et de les rapporter au palais. Mais le roi leur fit savoir qu'il abandonnait le tout et qu'il en distribuerait le double, s'il le possédait, pour témoigner le bonheur que faisait éprouver à son cœur royal l'arrivée de son fils et la disparition de l'infâme Médée. En effet, si vous aviez vu la haine dont le dernier regard de la magicienne était enflammé, au moment où elle fendait les airs pour se perdre au milieu des nuages, vous ne seriez pas surpris de l'allégresse publique et de la satisfaction du roi Égée. Dès ce moment, le jeune prince fut en grande faveur près de son père. Le vieux roi voulait toujours l'avoir assis à ses côtés sur son trône, assez large pour tous les deux, et ne se lassait jamais de l'entendre parler de sa mère bien-aimée, de son enfance et de ses premiers efforts pour soulever le massif rocher. Cependant, Thésée sentait dans son cœur trop d'énergie et de courage pour passer ainsi tout son temps à faire des récits d'événements déjà anciens. Il aspirait à accomplir d'autres exploits dignes d'être transmis à la postérité. Peu de temps après son arrivée à Athènes, il débuta en domptant un taureau furieux qu'il offrit en spectacle au public à la grande admiration du roi et de ses sujets. Mais ce triomphe, comme toutes les aventures dans lesquelles il s'était déjà illustré, ne parurent plus que des jeux d'enfant en comparaison de la glorieuse entreprise dont nous allons rapporter les circonstances.